Salut à toutes et à tous, on va se marrer. Alors on va se marrer comme chaque semaine avec nos deux équipes autour de la table. Oui, il parle devant le micro. Deux équipes extraordinaires. Yes. Puisque à ma droite, nous avons le représentant du Crétacé. Oui, je change un peu pour C'était Jurassique. Voilà, maintenant on passe au... Oui. Crétacé, c'est encore plus ancien. Hein. Oui, Crétacé radiophonique. Tu rajeunis pas, Bob. Bah, oui. Bob du club. Ouais. Salut les filles. Salut. À ses côtés, vous le savez, il y a quelques jours, un météorite, je sais pas si on dit un ou une d'ailleurs, enfin, ils sont tellement loin qu'on n'arrive pas à voir. Avec Maurice, c'est une. Donc, un météorite a frôlé la Terre. C'est lui, vrai. Oui, lui, chaque semaine, il frôle le ridicule, c'est Maurice. Salut à tous. Maurice qui reçoit de nombreuses blagues dans sa boîte e-miel. Oui, Oui, c'est quoi cette boîte radio.ovsm@gmail.com. On a été servi cette semaine. Oui. Bon, face à eux, un permanent de l'équipe. Oui. Qui ne joue que quand il y a du public. Bah, c'est possible, oui. Et quand il a des bonnes critiques, et j'ai vu récemment une très bonne critique. Ah. Courez vite voir le spectacle. Extraordinaire. Je serai allé lire d'ailleurs en direct. Fabuleux. Un grand moment de bonheur. Jérémy Charbonnel. Ah non, c'était la critique de Charbonnel. Excusez-moi. C'est Frédéric Coster. Applaudissez-le. Oui, bah, applaudissez-le. Et toi, feignasse de réalisateur. C'est vrai que je comprends pas comment des gens peuvent mettre une mauvaise critique à ton spectacle. Ah, moi non plus. Bah, personne va le voir. Non, mais ne te casse pas toi-même. Non, je suis prudent et je préfère les faire moi-même plutôt que de te les laisser. D'accord. Alors, Frédéric, oui. L'émission, tu le sais, est réalisée comme chaque semaine par Davy. Ah, bravo. Ouais. Et animée par, on s'excuse, bah, oui. Philippe Bello. Ah, oui. Ah, ça va donc être très bien. Ben, on se demande. Hein. Donc, comme chaque semaine, Frédéric, tu nous as amené des invités cette semaine. Oui, et Bob se plaint toujours qu'il n'y a pas assez de filles qui viennent. Oui. Donc, cette semaine, elles sont 17. Oh là là là là là là là là. On n'aura jamais assez de filles. Moi, j'en vois que deux. Hein. Bon, là, on n'en voit que deux, mais dans le groupe, elles sont, c'est ça, 17 en tout. 17, exactement. Moi, j'en vois une et demie. Hein. Alors, on reçoit Sophie et Sonny qui représentent le comique Nana Band. Oh, exactement. Oh bah là, on va se marrer alors. Donc, la presque grande Sophie. Tout à fait, c'est ça. Et Sonny Chan. Bonjour à tous. Alors, donc le Attends, tu peux le refaire ? Vas-y. Ah, ça, alors là, il va te faire l'accent chinois maintenant, tu vas voir. Vas-y. Bonjour à tous. Je peux faire l'accent belge aussi. Hein, ça... Non, ça nous intéresse pas. Non, oui, alors, une précision importante à faire en début d'émission, Frédéric. Oui. Ah oui, les filles, ne vous inquiétez pas. En face, il y en a un que ça intéresse pas et un qui peut plus, donc vous ne risquez rien. Mais on t'a fait confiance en venant, voilà. Hein, Fred. Donc le comique Nana Band. Alors qu'est-ce que c'est que ce comique Nana Band, Sophie? Le comique Nana Band, c'est un plateau en fait qui a démarré exactement, historiquement, le 4 juillet 2011. Voilà, date à retenir dans l'histoire, qui en fait rassemble 4 filles différentes à chaque fois. C'est un plateau qui n'a rien à voir de semaine en semaine, donc vous pouvez revenir toutes les semaines. C'est ça qui est fabuleux. Il n'y a pas une minute, ça c'est garanti sur tampon. Il n'y a pas une minute où on s'emmerde. Voilà. Ah, alors ça c'est plutôt bien. Ouais, et il y a plein de surprises et il y a même une bonne surprise finale à chaque fois en tout cas. Vous avez toutes des petits bouts de spectacle, tous des sketchs. C'est ce que vous faites entre vous. Comment ça se passe? Alors en fait, il y a une présentation au départ qui est très très rythmée. La musique est très présente sur ce plateau. Et on se fait des intersketchs, on s'envoie, voilà, il y a des choses qui se passent entre nous, entre les sketchs. Mmh. Mais effectivement, chacun défend son univers. Bah, Sonny qui est à côté de moi, et c'est pas parce qu'elle est à côté de moi que je dis ça, le défend très très bien, voilà. Mmh. Et on, voilà, c'est au total. C'est le quota d'immigrés, oui. Oui, j'étais obligée de prendre une immigrée chinoise, effectivement. Ah. Tu es d'origine chinoise, Sonny? On peut dire ça comme ça, mais je grandis à Hong Kong quand c'était encore anglais. En fait. Hong Kong, c'est en Chine. Hein. Maintenant, c'était oui. Anglais, j'avais un passeport anglais. Ah, oui. Et toc dans ta gueule, monsieur. Voilà. Monsieur, je sais tout. Bob est très à cheval sur l'histoire. Hein. C'est la minute historique, voilà. Il en faut. Je dis rien, je respecte les seniors. Oh, elle me cherche, celle-là. Et tout comme Maurice, d'ailleurs, Bob a beaucoup voyagé en Asie. Oui, surtout c'est pendant l'occupation. Bon, alors vous allez voir que cette émission est une émission de culturelle. Oh là là. Donc avec des jeux, avec des tournées de blagues, des blagues historiques de Maurice, des épreuves. Cette émission est une épreuve. Oui. Et la première épreuve de la soirée, ah, oui. C'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui. Attention, c'est la minute Pierre Belmar. Car oui, vous formez deux équipes. Et pour que nos auditeurs puissent suivre au fur et à mesure de la soirée ce qui va se passer, les points qui vont être marqués, il faut des petits noms aux équipes, c'est plus simple. Donc il faut baptiser l'équipe de Bob et Maurice, et Bob et Maurice vont faire de même, vont vous baptiser. Alors je sais que Bob est toujours très inventif. Aujourd'hui c'est facile. Aujourd'hui on va les appeler les bandeuses. Ça me va, ça me va. Très très bien. Alors les bandeuses, je le note. Contre les bandes plus. Mais mademoiselle, à vous. Hein. Voilà. À vous de les baptiser. Hein. Moi, je ne sais pas ce que t'en penses, Sonny. Je les appellerais les bichettes. Ah, ouais. Peut-être les yeux de biche que vous avez. Ah, les yeux de biche. Voilà, les bichettes. Ah, je vais le noter. Ouais. Bob, c'est bien la première fois. C'est normal. Pour Bob, c'est normal puisqu'on surnomme sa femme Fanfan. Oui, c'est biche. Bon. Eh bien, voici pour commencer ce soir la première question. Ah. Bon, on a oublié de vous préciser que Bob était très mauvais perdant. Oui. Et ce soir, je l'admets. Ah. Moi aussi. Ah bon. Donc, on a intérêt de gagner, les On filles. A trouvé quand même plus mauvais perdant que Bob il y a 15 jours, en la personne de Gégé qui n'est pas là ce soir. Oui, c'est vrai. Puisque Maurice a failli être hospitalisé. Après avoir donné une mauvaise réponse, il s'est déchaîné sur lui. Il l'a tapé, il lui a arraché son casque. Mais il y a encore des traces de bruit. Il a donné vraiment une mauvaise réponse. Bon, une... je la refais parce qu'elle est passée à l'as. Une réponse qu'un enfant de 10 ans savent répondre. Je refais ma blague parce qu'elle est passée à l'as. Il a encore des traces de bleu. Ah oui. Oui, non, parce que la question, en fait, était une question du trivial. On y jouera tout à l'heure. Et Maurice devait nous dire de quelle couleur sont les schtroumpfs. Et tu as répondu, Maurice? Comme la semaine dernière. Non, voilà. Il a répondu vert. Donc forcément, son coéquipier l'a battu. Voici sa première question. Parce que c'était pas la bonne couleur. Ben non, ils sont rouges, tout le monde le sait. J'aurais perdu aussi alors. Ah merde. Putain, je suis mal barré encore aujourd'hui. Alors, à votre avis. Attention, hein, c'est le premier qui a la réponse qui donne et c'est l'équipe qui marque. Voilà. À votre avis, quel département français d'outre-mer a une frontière avec le Brésil? La Guyane. Oh là là là là là là là là là là, non mais j'ai juste le temps d'ouvrir la bouche. Mais je sais pourquoi Frédéric a cette réponse. Ah oui, parce que j'ai voté Christiane Taubira en 2002. Mais c'était lui. C'était lui. C'est moi qui ai fait perdre Jospin. Et t'es fier. Hein? Et t'es fier. Bon, alors dans l'émission, vous avez Maurice ici présent, donc à une adresse e-mail dans laquelle il reçoit de nombreuses blagues d'auditeurs. Et je crois, Maurice, que tu as reçu une petite blague. Oui. Rappelle l'adresse e-mail. Alors, c'est radio.ovsm@gmail.com. N'hésitez pas à envoyer vos blagues à Maurice. Voilà. Alors, une blague qui nous vient d'où? Alors, celle-là vient de... Pourquoi tu fais... De Vendée, tiens. Ah, on aime bien la Vendée. Oui, surtout Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Surtout à la bourse, ils aiment bien aussi. Vendez. Alors, on écoute la blague de Maurice. Ah. Pourquoi les pigeons roux ne savent pas nager? Ah. Alors là, il faut généralement. Maurice, quand même, tu es sympathique. Tu pourrais quand même poser la question à Sophie et Sony. Allez, pose la question. Vas-y. Alors, Sophie et Sony. Ils sont deux en plus. Heureusement que les 17 sont pas venus. Si tu regardes bien, ils sont deux. Ouais, alors, Sophie et Sonny, pourquoi les pigeons roux ne savent pas nager? Alors là, Mais je savais même pas que les pigeons pas roux savaient nager. Ah d'accord. Alors il faut lui dire je sais pas parce que. Je ne sais pas. Alors. Parce que les pigeons roux ils coulent. J'en étais sûr. Parce que j'en étais sûr qu'il allait la foire. J'en étais sûr. C'est pas ça qu'il faut dire. Fais voir ton papier. Allez, redonnez-lui son papier, qu'il la fasse bien. Allez, tu l'as compris, la blague, ou pas, Maurice? Allez, refais-la bien. Oui. Allez, vas-y. Alors oui. Sonny et... Sophie. Et Sophie, ah. Pourquoi les pigeons roux ne savent pas nager? Ah. Je ne savais même pas que les pigeons, les autres pigeons, les pigeons ne pouvaient pas nager. Ah. Je ne sais pas. Parce que les pigeons roucoulent. Ah. Ah. Bravo, bravo, Maurice. Bravo, Maurice. Oh, la reine mère. Bon, alors. Ah oui, t'as raison, bois un coup. Dans quelques secondes, les filles, il va falloir réviser parce qu'il va falloir faire mieux que Maurice. Non, pire. Puisque mieux, bah oui, on va essayer avec la première tournée de blagues. Ah! Donc, restez avec nous, on revient dans quelques instants avec une petite partie du comique Nana Band, Sony et Sophie avec nous pour la tournée de blagues. Retourne, on va se marrer avec une petite partie du comique Nana Band. Ouais. Sophie et Sony, donc, qui participent à ce comique Nana Band, Maurice. Qui se produisent tous les dimanches à 20h au théâtre La Cible, 62 rue Jean-Baptiste Pigalle à Pigalle, métro Pigalle. Voilà. Et on peut réserver par billet réduit ou même sur le site de La Cible. Voilà. Voilà, merci. Donc, alors, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez tout un univers spécial. Alors, toi, Sophie, c'est quoi ton univers? Moi, c'est beaucoup la télé. D'ailleurs, mon one s'intitule « La presse grande Sophie démonte sa télé ». Parce que j'ai un regard très avec beaucoup de recul, en fait, sur tout ce que nous propose le petit écran. Et je vois des choses, moi, qui m'apparaissent vraiment tellement choquantes et tellement rigolotes que j'ai décidé d'en faire un one. Voilà. D'accord. Et toi, Sony? Mon univers, c'est surtout l'univers de la femme, donc c'est la mode, la haute couture, les hommes et leur portefeuille. Ah! Vaste programme! Wow. Bah, Bob, t'as un portefeuille? Un portefeuille. Oh, il écoute rien. J'étais en train de discuter avec Maurice. Ah ben voilà, t'avais raison, c'est ça la vieillesse. Mais mon grand-père aussi, il est comme ça. Merci. Merci. Alors, bon. J'espère que dans donc, les... Ça pourrait être ma petite fille. Ah, non, mais, alors, quand t'en rigoles, on voit plus ses yeux. Alors, je vais te dire, aujourd'hui, sa taille, ce qui est quand même assez savoureux, venant d'une nana qui est d'origine chinoise. Oh, bravo! Je suis très en forme. Ah, je te remets une étoile sur billet réduit. Dans l'émission, j'espère qu'on aura des petits extraits du spectacle de l'une ou de l'autre. Vous nous ferez un petit extrait tout à l'heure, chacune. Vous êtes tellement charmant. Oui. Oh. On va vous faire ça. Bon. Est-ce qu'on peut dire que Sony aussi fait son spectacle toute seule? Oui. À l'Instinct Théâtre. Ah, ben oui. Sony, dis-nous tout. Je suis à l'Instinct Théâtre tous les vendredis 21h et puis également sur une radio concurrente tous les jours pour une chronique qui s'appelle La saga de Miss Hong Kong, qui parle de l'actualité française avec un œil chinois bien bridé. Bon, alors je propose... Alors que Maurice, lui, il fait la chronique de Mister Hong Kong, lui, c'est pas pareil. C'est drôle, non, Maurice. Non, mais c'est pas possible. Non, mais ça vient de Fred, tu sais. Fred, tu vas quand même pas commencer l'émission à casser Maurice. Oh, bah. Bien. Voici la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Et on commence par Maurice. Qu'est-ce qu'une femme a tous les mois et qui ne dure que 4 jours, mesdames? Ça, je ne sais pas. Ben, les ragnagnas. Les ragnagnas, oui. Non, c'est le salaire de son mari. On applaudit quand même. Oui. Mais il est en train de me piquer mon créneau de ce soir, Maurice. Alors, un Parisien va se plaindre chez son ébéniste corse. Chez qui il a fait faire il y a quelques années un superbe meuble. Mmh. Alors, votre meuble est complètement défoncé. Le bois a travaillé. Monsieur, je vous ferai remarquer que le bois corse ne travaille pas. Il joue. On se fait des amis encore. Alors, des petits conseils de drague, parce que c'est vrai que ces messieurs autour de la table, surtout Bob, donc des petits conseils de drague. Donc, par exemple, un gars qui dit « Ah mais, attendez, Je vous ai pas déjà vu quelque part. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'y vais plus. Dis donc, chérie. Oui. On va chez toi ou on va chez moi? Les deux. Tu vas chez toi et moi je vais chez moi. Et dis-moi, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, chérie? Moi je suis travesti. Oh, chérie, F. Oui. Je voudrais te dire un truc. Oui. Tu es belle. Oh, merci. Comme une sirène. Oh. Oui, moitié femme, moitié ton. Oh. Bon, je vois qu'on a tous décidé de faire dans la blague misogyne ce oui. soir. Est-ce que vous savez pourquoi on envoie des femmes dans l'espace? Non. Parce qu'elles ont l'habitude de parler dans le vide. Moi, j'avais une autre réponse. Oui, c'était, réponse que c'est, oui. Oui, c'était moins lourd qu'un lave-vaisselle. Alors, comment appelle-t-on un alcotest en termes de cuisine? En termes de cuisine, un alcotest, je ne sais pas. Un soufflé aux amandes. Ah oui, ah, pas mal. C'est bien de remonter le niveau un peu. Ouais, parce ça que... fait pas de mal. Alors moi, j'avais juste une question à vous poser, à vous messieurs. Est-ce que vous savez ce que fait une blonde, en fait, pour allumer la lumière après l'amour? Non. Non. Non. Ben, elle ouvre tout simplement la porte de la voiture. Bon, ben, c'est bien, les filles se cassent elles-mêmes. On va passer une bonne émission. Oui. Alors, moi, j'ai une petite épreuve dans l'émission qui s'appelle « La main pense ». Ah. Donc en fait, j'essaie de vous faire trouver quelque chose. Alors en l'occurrence, là, je vais essayer de vous faire trouver un pays. Mmh. Je vous donne des informations pendant 10 secondes. Vous pouvez me proposer un pays, c'est ça, tant mieux, c'est le point est marqué. Si c'est pas ça, la main passe. Et c'est l'équipe en adverse qui a 10 secondes à nouveau d'informations, etc., etc., jusqu'à ce qu'une équipe trouve. Donc je vous l'ai dit, on va chercher un pays. On va commencer par l'équipe qui est menée, l'équipe des bichettes. Ça me fait rire, oui. Ça va bien pour Maurice Bichette. Donc voici les 10 premières secondes d'information. Top. Je suis donc un pays bordé au nord par une chaîne de volcans élevée de 3500 à 4500 mètres et à l'est par les marais de l'Acagera. Non, l'Orangera. Non. Au nord. Donc des volcans. C'était les corons. Et... voilà. Et à l'est, les marais de l'Acagera. Maurice, une idée? Ça saurait. Ah une idée de couleur du pays. Ils sont peut-être orange là. L'Auvergne, le volcan. Pas d'idée. Alors attention, top. Au sud-est par les marais du Bugesera, au sud-ouest par le massif forestier de Ningwe, écrin de la source du Nil, et à l'ouest par l'immense et magnifique... Alors, les filles, le Nil, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Égypte. Okay. Nous, on était partis très très loin, là. Plus dans le nord. Ah. Oui, on n'était pas sur la bonne piste. Donc ça ne doit pas être l'Égypte, vu les noms de... C'est très très dur, en fait. Ah non, mais oui, oui, c'est très très difficile. C'est très difficile, au début. C'est pas un jeu pour rire, là, en fait. Ah non, là, il n'y a pas, là, y a pas à rire. On parle dans le micro, les filles. On rit des fois quand Maurice propose des réponses, mais... Là, ça ne peut pas être la Suisse. Non, on est loin de la Suisse, ça pourrait être... Ah oui, il y a beaucoup de marais en Suisse. Ouais. On est dans la zone du Nil, là. Oui, donc, hein, oui, bah oui. Après, il faut connaître sa géographie, c'est ça qui est chiant. J'ai jamais eu la moyenne en géo, donc... C'est là où ils fabriquent les cigarettes. Du Nil. Oh là là. Bravo. Ah non, là, une deuxième étoile sur CD Réduc. Billet Réduc. Alors une réponse. Bon, l'Égypte. C'est pas ça. Eh bien, non. Donc l'immense et magnifique. Top. Lac Kivu. Les paysages sont très verdoyants, ondoyants, fréquemment couverts de bananeraies et de rivières abondantes. Dans les vallées jusqu'au sommet des collines, les petites parcelles cultivées. L'Éthiopie. La main repas. Top. Cultivé à la houe, quadrille la campagne. Je partage les frontières au nord avec l'Ouganda. À l'est, la Tanzanie. Au sud, le Burundi. Et à l'ouest... C'est donc un pays africain, nous sommes d'accord. Bravo. Tiens, voilà. Au fait, Maurice, t'as été à Disneyland récemment, t'avais un passeport, toi, non? Non, je l'ai plus. Ah, tu l'as plus? Il est enlevé. C'est surtout qu'il en a une mini. Oui. Oh, il aurait bien aimé Donald, mais il voulait pas. Celle-là, elle est très bonne. Elle sera coupée au montage. Oh, bah non, non, non, non, non, non, non, non, non. Qu'est-ce qui sera coupé au montage? Vous avez bien fait de venir, les filles, on va se marrer. Bon, ça ne dit pas notre pays. Un pays. Bah, moi, je dirais Disneyland. Bah, je temps, Disneyland, tout simplement. Non, ça, non, non, on est vers la Tanzanie. Là. Je ne suis pas la Birmanie, non, c'est peut-être non, pas. C'est pas, pas du tout. Je sais pas. En Afrique, la Birmanie. Au hasard, on dit au hasard. Allez. Le Burkina Faso. Tout à fait. Non. Dire non. Ça. Allez. Alors, la main repasse. Il y a que Bob qui change l'équipe. Alors, top. Oui, bah, Maurice, il a démissionné. J'ai été ravagé par une guerre qui opposait mes deux tribus, les Tutsis et les Hutus. Et je suis. On peut, Sophie, le dire en cœur, on peut le dire en cœur, allez. Le Rwanda. Ah, oh là là là là là là. Eh oui. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, le point est marqué pour les bandeuses. Et moi, je propose une chose, c'est que juste après la pause, on vous fasse monter sur scène, on va se marrer pour un petit extrait. Oui, c'est une bonne idée. Vous avez une petite scène sympa, ben là, oui. A priori, donc allez. Impeccable. Ben, on a une petite sympa et on vous la sort juste après la pause. Allez. Retournons à se marrer avec le comique Nana Band, enfin hey, deux hey. Représentantes, Sophie et Sony, le comique Nana Band, qui se produit tous les dimanches à 20h au théâtre La Cible, 62 rue Jean-Baptiste Pigalle, dans le 9e arrondissement, et c'est le métro Pigalle. Vous pouvez réserver vos billets sur Billets Réduc ou sur le site du théâtre La Cible. Alors là, la promo a été bien faite. Ah, merci, ouais. Merci, on est encore beaucoup en début d'émission, hein, parce que plus l'émission avance, plus c'est difficile. Voilà. Et après, il envoie les gens au mauvais endroit des fois. Mais bon. Et donc, alors, le spectacle, vous le jouez à Paris. Vous avez, on l'a compris, chacune des petits one man ou des salles différentes. Est-ce que les unes ou les autres, vous avez également des dates en province? On va jouer prochainement. Enfin, on se fixe printemps 2012. Oui. Vers Nice, à Nice même. D'accord. Voilà. Je sais qu'il y a une, vous êtes diffusé vers Antibes. Tout à fait. Donc, amis auditeurs, attendez-nous, nous ben arrivons. Oui. Et donc, il y a une vraie vie. Il y a une vraie vie d'humour et d'humoriste aussi sur Toulouse où on nous écoute beaucoup, sur Marseille, sur Perpignan. Il y a beaucoup de villes en région qui organisent des festival, voilà. des choses comme ça qui permettent aux humoristes, aux jeunes humoristes ou aux humoristes pas très connus à la télévision en tout cas, de passer et de s'exprimer. Ça, c'est bien. Puisque nous avons Sophie et Sony, on va peut-être demander à Sophie qu'elle soit pensée de nous faire un petit extrait. On va se gêner. Eh ben, non, on va se marrer. On va se marrer avec Sophie. En fait, à un moment dans le spectacle, j'explique aux gens qui sont venus nous voir, qu'on a tous un côté ado en nous. Tous un côté adolescent, même toi, Maurice. Ah, ouais. Merci. Ouais. Et en fait, mon côté ado, à moi, bon, à part ma taille, bien sûr, mais bon, ça, faut me voir et à la radio. Oui, la radio, ça pas, passe. Mais à part ma taille, mon côté ado, moi, c'est que j'adore la télé-réalité. Ah, ah. Ah mais vraiment, hein. Ah, je kiffe ça. À tel point, je me suis inventé, je me suis fait un jeu moi-même. Et je me suis dit, comme on est un petit peu nombreux, on pourrait se faire une petite partie. Ah, oui. Par exemple, ça vous dit? Ah oui. Alors, je vous explique le principe du jeu quand même. C'est que je prends deux grands programmes de télé-réalité qui cartonnent, hein. Je les mixe ensemble, voyez. Et j'en fais un troisième qui va encore plus loin dans le délire. Ah. Vous voyez le truc? Ah oui. Bon, on va se faire un tour de chauffe, vous allez voir. Par exemple, on va prendre un programme qui a cartonné en 2009. Un programme exceptionnel, hein, les funérailles de Michael Jackson. Eh ben moi, je le mélangerai en fait avec une émission qui cartonne en France, un dîner presque parfait. Ça ferait, messieurs. Des funérailles presque parfaites. Mais bravo, Fred, un enterrement presque parfait. Oui. Alors par contre, hein, on garde le même principe, c'est que les gens notent à la fin, bien sûr. Alors imaginez un petit peu le truc. Bon bah écoute, Fred, je t'aime beaucoup, hein, mais là j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance de mort, en fait. Ouais, j'ai trouvé notre hôte glacial, presque absent. Même. Alors, ben pour l'animation, je te mettrai un 3. Voilà. Ensuite, pour la déco, je vais pas te cacher, Fred, que j'étais vachement déçue. Moi, je m'attendais au moins à Duchesne pour le cercueil. Alors que là, ce grand carton là disposé au milieu de la salle, je veux dire en plus pour tout te dire, trop de fleurs tue la fleur. Donc voilà, pour la déco, je te mettrai un 5. Après je trouve que pour une mise en bière, on a eu soif quand même. Donc pour la collation, je te mettrai un 7. Et puis alors pour l'animation, mais alors j'ai pas du tout adhéré à ton atelier suicide. Ah non. Non, puis en plus, pour pas te cacher, j'ai horreur des karaokés. Donc de là, d'entendre tous ces gens qui chantaient comme ça dans l'église, ça avait un petit côté... Et là, je suis sûre, vous attendez tous à ce que je dis un petit côté concert Mylène Farmer, c'est ça? Hein? Eh ben non. Non, j'ai trouvé pire encore. Cœur de pirate! Ouais. Non, cœur de pirate. Nouveau concept de chanteuse. Une chanson, des paroles que tu ne peux pas comprendre. Voilà. Et on aime encore. Et on aime encore plus fort. Et j'en aime encore. Et moi j'aime encore plus fort. Articule quand tu chantes, connasse! Voilà, c'était un petit extrait de ça. Voilà. Et ce qui est très bien, sur les bras, hein. Ce qui est très bien, c'est qu'on a eu notre connasse, oui. Même si Gégé est pas là. Oui, parce qu'habituellement Gégé balance au moins 10 connasses dans la soirée. En général, destiné à Maurice. Maurice, voilà. Alors donc ça, c'était un extrait de Sophie, la presque grande Sophie. La presque grande Sophie. Oui. Donc un one man que tu fais aussi indépendamment. Philippe, donc Philippe, c'est une fille. Et j'ai dit quoi ? T'as dit un one man. Ah oui, pardon. Un one woman. Donc mais ça m'arrive aussi des fois de que tu joues, laisser parler mon côté masculin. Ah, Donc un one woman que tu joues à Maurice aussi, ça lui arrive des fois. Pas souvent. Indépendamment du comic dans la bande aussi, tu joues aussi ton propre one woman. Alors je l'ai joué jusqu'en septembre en fait. Et bon, pour tout vous dire, entrer dans les secrets, j'ai voulu vraiment m'accorder du temps pour lancer ce plateau, le faire vraiment décoller, que tout Paris en parle. Donc je peux pas tout faire, je suis pas une superwoman, donc j'ai mis un petit peu mon one entre parenthèses jusqu'au début de l'année prochaine pour le relancer avec panache. Mais je l'ai quand même joué à Nice en octobre, en début octobre, ça a été un triomphe, c'est dingue. Un triomphe phénoménal. Ah oui, non, on m'avait parlé du public niçois, mais là j'ai pu m'en rendre compte par moi-même. Bien. Fabuleux. Bon, alors tout à l'heure, on sollicitera Sony, hein, parce qu'elle aussi, elle va nous faire un petit extrait, évidemment, du spectacle. Mais avant cela, eh bien, j'ai une autre épreuve dans l'émission, qui est l'épreuve du trivial. Ah ! Donc je tire au hasard. Ça fait des années que tu tires au hasard, mon beau. Deux cartes dans le boîtier du trivial de 1985. Ah oui, la date est importante. Importante, hein. Le boîtier était là, donc vous le voyez. Oh, j'ai le même à la maison. Voilà, exactement la même. Donc, les filles, un test. Si on vous demande de quel pays Moscou est la capitale, vous répondez... De quel pays Moscou est la capitale ? Le trivial date de 85, donc vous répondez... Mais c'était l'URSS. Très voilà. Bravo, excellent. Mais je suis vieille aussi. Donc j'ai deux cartes. Une carte par équipe. Une du PS, une de l'UMP. Ah non, pardon. Je mélange. On ne sait jamais, faut être prudent. Laissez-le parler, écoutez. Alors, deux cartes. Une par équipe, 6 questions par carte. But du jeu, répondre au plus grand nombre de questions pour marquer un maximum de points. On joue chaque équipe à son tour. Et si l'équipe qui répond sur sa carte est incapable de répondre à la question, l'équipe adverse peut répondre et marquer le point à sa place. C'est extraordinaire. C'est de pire en pire, tes explications. Tu peux rappeler les scores, juste, pour que ça nous fasse du bien. 2 pour les bandeuses, 0 pour les biches. Voilà. Il y a également la possibilité... était de trop. La possibilité de faire une réponse cash. C'est-à-dire, si cash. Toutefois... Normalement, vous pouvez vous consulter avant de donner une réponse. Si toutefois, voilà, si quelqu'un dans l'équipe a la réponse et en est sûr, plutôt que de se consulter, il dit cash et il donne la réponse. Si c'est la bonne réponse, c'est 2 points. Donc c'est intéressant quand même. Je fais toujours choisir à Bob la carte, parce que sinon, après, il y a contestation. C'est truqué. Alors, Bob, la carte rouge ou la carte verte? Je prendrais la droite. Celle-là. Ah. On va donc commencer par cette carte, puisque c'est celle que vous avez choisie, et par votre équipe. Dans quelques instants, juste après la pause, parce que je vois qu'il est l'heure, donc tenez-vous prêts dans les starting blocks. On révise. Vous révisez. Ah ben, vous révisez rien du tout, je garde la carte ici. Et on revient juste après avec Sophie et Sony. Reste avec nous. Retour dans Basse-Marais. avec Sophie et Sony du comique Nana Band. Ouais. Alors, juste avant la pause, les filles. Oui. On n'a pas cité les autres du comique Nana Band. Ah, c'est une bonne idée, ça. À toi, Sophie. Alors, j'espère ne pas en oublier une seule. On a dans notre grande équipe une qui commence vraiment à bien faire parler d'elle, la Bajon, pour ne pas la citer. Mmh. On a Lydie Lou, on a Perrine, Elodie Decker, qui a un one fabuleux aussi, qui s'appelle Follement Decker. Amandine Gay, qui est non moins exceptionnelle. Nadia Alami, Katel Normand, Marine Bausson. Katel qu'on a reçue. Oui. Oui. Mais Perrine aussi, d'ailleurs, ça me dit quelque chose, non? C'est pas la même? C'est une autre Perrine qu'on a reçue. Elle m'a dit effectivement, Katel, de vous faire un bisou. Ah. Que je n'oublie pas. Camille Broquet, une personne que j'adore vraiment énormément, qui a un univers très fort. Alejandra Pardo, vous connaissez. Vanessa Caillot aussi, que vous connaissez. Alice Edouarnet, Laurence Brossard et Nathalie Réa aussi. Et la toute dernière qu'on a accueillie dimanche dernier, elle a fait son dépucelage de comique Nana Band, Edvina. Voilà, Ah, parce que vous êtes open en plus, on peut vous rejoindre en cours de route, vous êtes open à toutes les nanas qui veulent venir rigoler avec vous. Ah, c'est pas du tout un plateau fermé, c'est juste moi qui fais le planning, qui regarde un petit peu les univers, si ça peut, si ça m'intéresse ou d'accord. pas. Mais effectivement, c'est un plateau ouvert, tout très à fait bien. Ouvert. Tout simplement. Bon. Et on peut les applaudir quand même. Ah, toutes les filles, oui, c'est vrai. Alors, puisque Maurice a le micro, c'est donc juste avant la pause votre carte qui a été tirée au sort, Bob et Maurice. J'espère qu'il ne l'a pas changé pendant la pause. Absolument pas. C'est pas le genre. Donc, le principe, je vous le rappelle plus, vous l'avez maintenant par cœur. Est-ce que vous êtes prêt, Bob? Oui. Oui. Oui. Donc, consultation ou pas consultation, ouais. Cash ou pas cash, top. Ouais. Cap ou pas cap. Comment appelle-t-on la voie qui relie l'Atlantique Nord au Pacifique? La voie. La voie. Comment appelle-t-on la voie qui relie l'Atlantique Nord au Pacifique? C'est un canal. Le détroit de Béring. Non. Canal de Suez, non? Ah. Canal de Suez, non? Non. Attends, j'ai pas compris la question alors. Comment appelle-t-on la voie? Si tu parles d'un canal, c'est Panama, mais non. Bon, L'Atlantique Nord au Pacifique. L'Atlantique Nord. Vous avez la réponse ou pas? Non. Le canal de Panama. Non, vous ne savez pas. Ça s'appelle le passage du Nord-Ouest. Moi non plus, je ne le savais pas. D'accord. C'était un théâtre à Paris. Ouais, voilà. Pour la petite anecdote justement, puisqu'on parlait de Disney tout à l'heure, je sais pas si c'était à l'antenne ou hors antenne. Il y a une boutique dans l'hôtel Sequoia Lodge qui s'appelle le Northwest Passage. Et c'est certainement par rapport à ça, forcément. Ah. Quelle est la couleur du bikini d'Ursula Andress dans James Bond contre Dr. No? Comment on dit déjà? Cash blanc. 2 points. Ça c'est. Alors là, je n'en reviens pas. Ah bah oui, il a pas débandé depuis 1962. Là, je n'en reviens pas. À quoi correspond la fête de Shabbat? Ah, Cash! La fête du mouton. Mais non, ça c'est laïc, je sais pas quoi là. Mais déjà le mouton, c'est pas chez les juifs, c'est chez les musulmans. Oui. Mais c'est pas possible. Mais, connasse! Mais les GG n'est pas là. Oui, mais il mérite. Non, mais c'est pas possible, c'est une blague. Qui a dit, quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, il faudra se soumettre ou se démettre. Démis, mais l'épaule. Je vois que De Gaulle pour dire ça. Non. Ah. Si vous avez une idée, vous pouvez piquer le point. À la main nous passe. Quand nous, la France aura fait entendre sa voix souveraine, il faudra se soumettre ou se démettre. Ça, c'est 1985. Est-ce qu'on dirait pas... Ah, mais les questions ne concernent pas toute l'année 1985. Non, mais c'est l'édition 85. Enfin, moi, je dirais peut-être Napoléon. C'est fort possible. Allez, allons-y pour Napoléon. Non, Napoléon. C'est Clémenceau, non? C'est Gambetta. C'est Gambetta. Ah, et c'est pas loin. Alors que Bob, c'est Grand-Bêta. Ouais. Alors, Bob, là, une question que tu vas... te jeter dessus, j'en suis sûr. En cash, sûrement. Hein. comme Strauss-Kahn sur les femmes de chambre. Quel est le nom du bateau du capitaine Ahab dans Moby Dick? C'est ça, toi? Non, moi, je sais même pas. Oui, je sais pas ce que c'est. Moby Dick, t'as entendu parler? Oui. C'est ta voisine. Oui. Hmm, Fred, il connaît Moby Dick, c'est de sa famille. Alors, non, je sais pas. Ah non, je vais dire la main passe. Je me rappelle pas. Je sais pas. Je me J'ai jamais plus. Lu Moby Dick, c'est ouais. ça qui est chiant, toi. Ce que je peux te dire, c'est que Jean-Pierre Melville, qui s'appelait Jean-Pierre Grimbach, a choisi son pseudo à cause de Herman Melville, l'auteur de Moby Dick. Voilà, c'est tout. Oui, c'est tout. Non. C'est... Bon, alors, c'était le Picot. Pas du tout. Non, ça me dit Bob, rien. Bob, quel avion a-t-on surnommé Concordski? Ah, ben, le Tupolev Cash. Comment? Cash, le Tupolev. Deux. Enfin, le Tupolev 144. Exactement. Il portait un numéro. Bravo. Oh là là, c'est extraordinaire. Voilà, bravo, Bob. Ça vaut un point de plus. Alors, pour moi, tout ça, c'est, du, c'est du chinois, tout ça. Là, tu sais comment se prénommait la... Ah bah, pourquoi elle répond pas? Ah bah non, c'est pas elle de répondre. Tu sais comment se prénommait l'ingénieur qui a inventé cet avion? Non. Il s'appelait Patrick. Pourquoi? Patrick Tupolev, c'est très connu. Oh non, non. Ah, c'est pour ça qu'il l'a mis en taule. Bonjour. Il en est mort. Je retire une étoile sur Billy Reddy. Au cours de quels Jeux Olympiques 17 nations africaines se présentèrent-elles pour la première fois? Donc c'est une année. J'allais dire une c'est l'année ou c'est la ville que tu veux? L'un ou l'autre me conviendra. Je dirais Rome. À Rome, oui. Ouais, l'année, je ne sais plus bien, mais je dirais Rome. Non. Les Jeux Olympiques de Berlin, non, devant l'éclair? Ah oui, 36. Non, non, non. Bah, c'était en 64 les Jeux Olympiques de Tokyo. Ah. D'accord. Donc c'est tout là. Ça fait pas. Eh, c'est pas mal quand même parce que vous avez répondu donc deux fois cash, ce qui fait que vous prenez la main. Eh oui. 4 points pour les bichettes, 2 pour les bandeuses, mais les bandeuses, on n'a pas encore entamé votre 4. Ah hein. Non, donc, non, non, on n'a pas encore débandé là. Non. Voilà. Donc ça va. Tout n'est pas perdu. Alors dans l'émission, il y a une autre épreuve qui, elle, concerne directement Maurice, c'est la roulette russe. Alors la roulette russe, c'est facile, Maurice a des blagues historiques dans l'émission, qu'il connaît par cœur sans ses notes. Donc je lance la roulette russe, je vous donne des mots, vous dites stop quand vous voulez, et automatiquement au mot où vous aurez dit stop, Maurice racontera la blague correspondante. Instantanément. Ah, instantanément, sans et aucune. Sans se planter. Sans se planter, sans note, en vous regardant et en s'adressant à vous. Je suis impatiente de voir ça, là. Alors, c'est attention. Une connaisseuse. Voici la liste des mots de la roulette russe. Top roulette russe. Zébu. Souris. Skieur juif. Vache. Sex shop. Stop. Ah! Allez, oui, alors ça, c'est une jeune femme qui rentre dans un sex shop. Ah, très bien. Bravo. Ouais. Par contre, il y a un truc quand même que tu aurais pu t'adresser à nos auditeurs. Mes chers amis Sonny et Sophie, ah, c'est une de vos sœurs qui rentre dans un sex shop et qui demande au vendeur, je voudrais... qu'est-ce qu'elle veut? Un gonne-michet, c'est vrai. Ah, oui. De différentes tailles. Alors le vendeur lui dit. Mais c'est pas ça. Non, le vendeur s'appelle Michel. Pourquoi donc Michel? Bonjour, je voudrais un gonne-michet. Un gonne-michet, oui. Bah, ne l'embrouillez pas, c'est déjà suffisamment compliqué. Alors, je veux pas. Mais là, la... mais là ça non. Revient. Non, non, non, non, non. Alors donc... le vendeur dit, vous voulez un gonne-michet? Non, un gonne-michet. De quelle couleur, de quelle taille, et tout. Alors, et tout. La, et regardez sur nos bon étalages et tout, et la, votre consoeur qui est rentrée dit, je veux celui-là. Et le vendeur lui dit, c'est pas possible, madame. Ah, je veux celui-là. Le grand rouge, là, qui est accroché au mur. Voilà. Non, ce n'est pas possible, madame, parce que celui-là, c'est l'extincteur. Ah, ah. Ah, vous voyez qu'il est collé par cœur, hein, il est incollable. Hein. Oui. Impressionnant. Ah oui. Oncle Benz, on l'appelle. Juste après la pause. Comment disait De Gaulle déjà, je ne me rappelle plus. Ah oui, c'était quoi, pas l'histoire de naufrage. La vieillesse, la vieillesse est un naufrage. Juste après la pause, attention les filles, c'est votre carte. Donc, c'est le moment ou jamais de remonter. Et moi, je joue pas. Bah, tu fais partie des trois filles, là. C'est le moment ou jamais de remonter la pente. C'est toi la 18e fille. Allez. <Menace. rire> Maurice, raccroche les sphincters au mur et on revient juste après la pause. Retourne, on va se marrer. Avec Sophie et Sonny, du comique Nana Band. Oui. Bonsoir. Qui sont avec nous ce soir et qui vont donc maintenant approcher l'épreuve du trivial avec leur carte. Vous avez compris le principe, le cash et tout le tralala. Enfin, le cash, quand je dis le cash, bien sûr, c'est pas des enveloppes qui passent sous la table. C'est le principe du jeu. Ça sort. Oui. Donc là, vous êtes mené pour l'instant, puisque les bichettes ont 4 points, vous n'en avez que 2. Oh, les petites bichettes. Oui, mais ça n'est que temporaire. Tout n'est pas perdu. Voici votre carte. C'est parti. Quelle est la ville bretonne qui tient sa renommée de Gauguin et de ses galettes ? Moi, je dirais Pont-Aven, hein, si vous en pensez, les filles. Moi, je validerais la réponse, ouais. Voilà. Pont-Aven ? Oui, c'est correct. On aurait dû dire un cash. Et ouais, les galettes oui, de Pont-Aven, voilà. Un film de Joël Seria avec ah oui, c'est vrai. Avec comment il s'appelle ? Jean-Pierre Mariel. Avec Mariel. Oui, voilà. Qui est le père d'Isabelle Adjiani dans le film La Gifle ? Cash, Lino Ventura. Correct. Elle m'a grillé d'une seconde, d'une demi-seconde. Qui était le dernier des guerriers apaches ? Son petit nom, son surnom. Ah oui, son nom. Ah, son il nom. A un nom, ce dernier guerrier apache. Je me demande si c'est pas Géronimo. Je pensais à la même personne, mais c'est incroyable. On est connectés. On est connectés tous les deux. Alors qu'il y a Sony entre nous. Ouais, tout mais à on fait. Est connectés. Mais le chinois sert beaucoup d'antenne. Ouais. Il est très capteur d'ondes, le chinois. Ouais. Nous répondons Géronimo. Géronimo, une réponse collégiale. Et c'est correct. Ils n'ont pas dit cash. Il a fini alcoolique, montré avec Buffalo Bill. Buffalo Bill, dans le cirque de Buffalo Bill. Il l'a emmené. Oui. Dans quel roman de Jules Verne rencontre-t-on Arne Saknussemm ? Sonny, tu dois savoir ça, toi. Alors, Sonny. Oui, je connais la réponse en chinois. Ah ben, vas-y, ça peut marcher. Oui, on sait jamais. Tam Menglan, c'est ça ? Oui, c'est correct. Et là, il y a Bob qui me regarde avec des yeux, je ne dis pas. Qu'est-ce que c'est ? Comment tu dis le nom ? Arne Saknussemm. On pourrait dire, je sais pas, le tour du monde en 80 jours. Moi, je dirais plutôt 20 milieux sous les mers. Oh non, ils sont pas. Ils ont voyage au centre de la Terre. Voyage au centre de la Terre, peut-être. Moi, je laisse toujours le dernier mot aux invités. Tu me donnes une lourde, lourde responsabilité, là. Donc, toi, tu disais. Moi, j'aurais dit plutôt le tour du monde en 80 jours. Mais... Allez, allons pour le tour du monde en 80 jours. Enfin, c'est comme vous voulez, les filles. Non, allons-y. Je fais confiance à. Si c'est un des deux autres, je vais me faire tuer. Alors, vous me dites. Voyage au bout du monde, enfin autour du monde. Le tour du monde en 80 jours. Eh non. Oh ah, c'est voyage au centre de la Terre. C'est correct. Fred, je t'en voudrais toujours. Moins une étoile sur billet réduit. J'en ai plus. Ah bah oui, t'es en négatif. Avec quoi un bébé éléphant tête-t-il sa mère ? Alors, je crois qu'il y a un piège là. Il y a un piège, non ? Sa bouche, non ? Non, mais il y a un. Mais non, mais quand tu veux qu'il t'aide, il n'y a pas tété avec ça. Ah non, mais je dirais pas avec la trompe. Sonny nous fait un signe de trompe. Sonny fait le signe de la trompe. Elle fait une trompe un peu bizarre. Son longue nose. Moi, je. Tu peux parler à voix haute, hein. Je sais pas ton nez, je sais pas. Avec parce que je sais pas, c'est tellement haut. Comment est-ce qu'il va pas sautiller pour atteindre. Non, mais un éléphanto. Non, mais l'éléphanto. Un éléphanto est assez grand. Il est grand quand même. Ouais, ouais. Et si tu te le prends sur le pied, je pense que t'as mal. Hein. Bon. est-ce qu'on est d'accord pour faire un cache? Non, c'est trop tard pour faire un cache. L'éléphant, c'est un animal qui ne saute pas. Et les tétines, elles sont longues aussi. Non, on dirait. N'essaye pas de nous embrouiller. Non, je sais pas. Non, moi j'aurais dit la bouche. La bouche, allez. La bouche, t'es d'accord, Sonny? La bouche. Allez, la bouche. C'est quoi? Ouais. Eh oui, bravo. Et alors, la dernière question. Quel jockey français a remporté 5 cravaches d'or en 1980, jusqu'en 1985. Tu fais un cache, Yves Saint-Martin. Oui, exactement. Eh bien, j'allais dire le correct. Merci, Fred. Il faut dire que c'est le seul nom de jockey que je connaisse. Ah si, avec Pierrette Bresse aussi. Elle n'est pas jockey. Elle était jockey, bien sûr que oui. Ah oui. Alors là... Non. Yves Saint-Martin était jockey, Pierrette Bresse, elle était Gervita. Alors là, pour l'instant, on en est à 10 à 5. Tu peux répéter le score? Alors, 10 à 5. Ah, bravo, bravo les Michettes. Vous avez 5? Non. Ouais. 10 à 5, c'est quand même extraordinaire. Il y a une épreuve à la fin. Mais là, on n'y est pas encore. Il y en a d'autres épreuves. Mais là, pour l'instant, les auditeurs attendent une petite tournée de blagues. Ah. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Maurice. Ces deux copains qui se retrouvent au bistrot. Tiens, c'est nouveau, tu bois du cognac dans une chope à bière maintenant. Oui, c'est depuis que mon Toubi m'a dit que les petits verres finiraient par me tuer. Bien. Bravo. Une blague de télé-loisirs, je crois. Moi, je suis consterné. Alors, quelle est la plus belle caresse qu'une belle-mère puisse vous faire? Plus belle caresse. La plus belle caresse. Oui. Bon, caresse en fin de compte. Caresse chez elle. Ah. Oh. Enfin, moi, je trouve que le cas de Maurice relève de la psychiatrie lourde. Quand même. Oui, lourde. Alors, ça se passe dans une soirée. Il y a un bal, le bal des pompiers, et il y a il y a une grosse femme, bien sûr, qui danse avec Bob. Ah, monsieur Diclev, et alors, avant de danser, bien sûr, ils ont dîné. Ah, des flageolets. Et d'un seul coup. Ah oui, il est mieux celui-là. Oh, monsieur Duclem, excusez-moi. Il y a des morceaux avec. Ça m'a échappé. Oh. J'espère que ça restera entre nous. Ah ben non, j'espère que ça va circuler. Alors, c'est une femme qui rentre dans un... Ah non, on l'a déjà fait. C'est une femme qui rentre dans un sex shop. Elle arrive vers le vendeur et le vendeur remarque qu'elle est un peu agitée quand même, hein. Et la dame demande « Est-ce que vous vendez des vibromasseurs ?»« Oui, bien sûr, madame, on a plusieurs vibromasseurs. »« Est-ce que vous en avez qui font 25 cm de long et dont la marque est Rocco ?»« Ah oui, madame, c'est un de nos modèles les plus vendus. »« Alors dites-moi comment on l'arrête !» Je voudrais le rouge sur le mur. Jésus marche sur l'eau. Ah. Saint Paul s'approche de lui en nageant, lève la tête et lui crie « Tu as tort, elle est vachement bonne !» Alors Sophie, c'est un type qui rentre chez lui le soir harassé par sa journée de travail. Et dans l'entrée de son immeuble, en fait, juste adossé à l'entrée de son immeuble, il y a un type qui lui dit « Cocu, cocu !» Alors bon, il rentre chez lui, il est un petit peu interloqué quand même. Bon, le repas se passe et il y a un moment où il faut qu'il en parle à sa femme. Il dit « Écoute chérie, voilà, j'aimerais au moins savoir si tu me trompes pour pas passer pour un glandu devant n'importe qui. » Et voilà, je suis super contrariée. Et sa femme, pardon, Oh, le lapsus. Sa femme lui dit, mais écoute chérie, là c'est une question de confiance, tu vas pas croire le premier débile venu, je ne t'ai pas trompé, il n'en est pas question, etc. Donc ça se rabiboche sur l'oreiller, bien entendu. Le lendemain matin, tout va bien, ils sont amoureux comme jamais, sa journée se passe, il rentre chez lui, et il y a toujours le même mec qui est là, adossé au mur de l'entrée, mais là, il a vraiment décidé de rentrer la tête haute, et donc il avance, et là, le mec lui dit « Cocu, cocu, et en plus, rapporteur !» Alors, juste après cette courte pause, oui. C'est Sony qui va nous faire un petit extrait de son spectacle qu'on retrouve au sein du comique Nana Band. Donc restez avec nous, on revient avec Sony et Sophie. Oui. Retour, on va se marrer avec Sophie et Sony du comique Nana Band. Rebonsoir. Les 17 filles qui s'éclatent sur scène, un super plateau, Maurice. C'est tous les dimanches à 20h au théâtre La Cible, 62 rue Jean-Baptiste Pigalle dans le 9e arrondissement, métro Pigalle. Et qu'est-ce qu'elles font ? Elles font le comique Nana Band. Le ? Le comique Nana Band. D'accord. Mais elles ne sont pas toutes les 17 en même temps sur scène. Non, ils tournent. Il y en a combien ? Il y en a 3 ou 4 par soirée. Et ça tourne. Voilà. Ah oui, la scène. Je peux te dire que la scène de La Cible, elle tourne. Ah oui, bah oui, voilà. C'est un ancien pipe show. Exactement. Voilà. On voit que Bob est un connaisseur. Oui, vous êtes allé étudier le sujet là. Hein. Oui, exactement. Oui. Bob y a été au temps de l'exploitation précédente. Exactement. Ah bah, Bob là-bas, les filles l'appellent Monsieur Bob. Et oui. Il y a Dodo la Saumure à Lille. D'ailleurs. Et Monsieur Bob à Pigalle. D'ailleurs, il y a encore des traces de toi là-bas. Ah là. Ah. Ouais. Bob, Bon, alors, oui. Alors, ça va être à Sony de démarrer. Voilà, sur cette scène donc de Paris, lors du comique Nana Band, il y a Sony ici présente qui elle aussi fait son one man également à l'Instinct Théâtre aussi à Paris. Sony Chan, princesse sans royaume, qui nous propose un petit extrait de son spectacle. Vous savez, hier soir, j'étais réveillée à 3h30 du matin par le coup de fil de ma meilleure amie, Phyllis. Son mari l'a trompée. Son mari l'a trompée avec une vulgaire chinoise toute bronzée et sans papier. Permettez-moi de vous donner une ligne de conduite lorsque votre conjoint succombe à un égarement hormonal. Bon, tout d'abord, le mal est fait, cessez de pleurer. Ne déshydratez pas l'épiderme pour rien. Au contraire, profitez de sa culpabilité pour vous faire offrir un beau cadeau. Tout en subtilité, bien sûr. Plus sa culpabilité est importante, plus votre cadeau devient consistant. Alors, je vais vous donner un ordre d'idées avec le barème que j'ai hérité de ma grand-mère. Bon, s'il s'agit d'une simple gâterie avec sa nouvelle stagiaire, vous avez droit aux chaussures Christian Louboutin. Deux paires! Ou alors, il vous a trompé avec une copine de votre entourage commun. Là, c'est mieux. Un sac Hermès modèle Birkin vous attend. Enfin, s'il s'agit de fréquentation répétée de clubs échangistes avec transmission de démangeaisons, jackpot, félicitations. Vous mériterez un ensemble Chanel haute couture. Comme disait ma grand-mère, 你寧願我冇錢而錫你，男人啊，當我多多錢而唔錫你啊，人哋就用香蜜袋俾你巴閉，有冇咁大隻蛤乸隨街跳一百次？ Traduction. Tout a un prix. On voit bien que c'est pas la même culture. Hein. Mais moi, il me semble bien avoir vu Anne Sinclair avec des chaussures Louboutin à Saint-Hermès. Oui, oui. Non, elle est passée directement à l'ensemble Chanel. Elle. Non, mais elle a tout. Elle a tout, elle a la totale. Elle a toute la collection. Et alors, Sony, dans ton spectacle à l'Instinct Théâtre, je vois qu'il y a même un pianiste qui t'accompagne. Absolument, c'est pas vraiment un one woman show, on peut même dire que c'est un duo. Mmh. Et puis comme je viens d'un pays sauvage, je n'ai pas vos codes, alors c'est j'espère que ça vous fait rire, mais c'est vraiment au-delà de vos codes habituels. Ah ben là c'est l'extrait donne envie déjà. Ah oui oui oui. Bon, eh ben écoutez, on n'a plus qu'à aller voir donc Sony à l'Instant Théâtre et puis lors du comique Nana Band, Maurice. Qui est tous les dimanches soirs à 20h au théâtre La Cime, 62 rue Jean-Baptiste Pigalle dans le 9e arrondissement et billets réduits sur le site du théâtre La Cime. Et bientôt chez vous si vous souhaitez faire venir les filles dans votre région. Alors j'ai une autre épreuve qui s'appelle TEPACA. Ah! Faut pas nous le dire, ça. Ça, c'est le genre de phrase qu'il faut pas nous dire. Alors, le principe est simple. C'est un principe d'enchère. Et je vais vous demander combien, à votre avis, de titres de chansons de Laurie êtes-vous capable de me citer? Elle chante encore? Alors, je commence par l'équipe qui est menée, Bob et Maurice. Oui. Combien de titres de chansons? D'abord, j'ai une question à te poser. Oui. C'est qui, Laurie? Ah si, c'est une chanteuse connue, Laurie. Ah, quand oui. Maurice la connaît. Donc déjà, alors, combien de titres de chansons? Une. Bah, est-ce que vous faites mieux que Ah oui, largement, cinq. Attends, moi, je dirais cinq. Fais gaffe, parce qu'il faut les dire. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais si, je peux faire une petite blague oui, raciste? Oui. Parce que Sonny, elle connaît Laurie, elle. Ah. Oh. Bon, d'accord, c'est pas fin. Bon, non, voilà. Alors, est-ce que vous dites mieux que une chanson? Non, mais dis deux. Oui, deux. Voilà, ils iront pas au-delà, de toute façon. Donc. Ah, qu'est-ce que t'en sais? Maurice connaît. Ah, attendez, oui, Maurice connaît les chansons de Laurie. Combien, Maurice? Dis trois, Maurice. Allez. Trois. Alors, laissez-les. Qu'est-ce qui nous ferait remporter plus de points? Si on disait 4 ou si on les laissait se planter? Alors, Sophie, 4. L'engagement de Sophie, c'est de nous donner 4 titres de chansons. Oh punaise, dans quelle merde je me suis mise. Ah bah, c'est débrouillé. Alors là, je vais te dire, tu te débrouilles. Alors, il y a Sur un air latino. Ah oui, Boris, la chanson. Sur un air latino. Une. Et il y a... Ma meilleure amie. Près de moi. Près de moi. Ça a été sa toute première. Mm-hmm. La meilleure amie, là. Ma meilleure amie, oui. Ah, il s'appelle pas comme ça. Je serai là. Tu seras ma meilleure amie. Non. Je sais. Alors, c'est le week-end. Oui. La positive attitude. 4. Okay. Vous n'avez pas dit 5 hein. Non, on a dit 4. On a dit 4. Eh bien, le contrat est rempli. Yes. Ah oui, il y avait « Je serai ta meilleure amie ». Je serai ta meilleure. Toute seule. Une chanson que connaît Maurice, « J'ai besoin d'amour ». J'ai besoin d'amour. Non. Des bisous, des câlins. À 20 ans. Je vais vite. Oui, enfin, il y en avait plein. Hein. Play. Un garçon. Bah, c'est quand même le point qui est marqué pour vous. Hein. Encore une fois, un point de plus, Bob, pour l'équipe des bandeuses. Ouais. Ça monte fort en face. Un seul point. Mais un seul point, c'est pas cher payé. Ah, bah quand même. Pas cher payé. Mais ce qui va être cher payé, je pense que c'est une petite roulette russe supplémentaire. Alors, la roulette russe, vous avez compris le principe. C'est comme tout à l'heure, des mots, vous dites stop quand vous voulez et automatiquement, sans ces notes, Maurice raconte la blague. Sonny, je te laisse donner le top départ de la blague. Ok. Alors, top roulette russe. Zébu, souris, clocher, Maya l'abeille, ostréiculteur, araignée. Stop. Top. Une araignée. Alors là, tu la connais par cœur, là tu peux y aller. Ah oui, araignée. Alors vas-y. Dans le micro, Maurice. Oui, dans le Maurice. Alors, une araignée. Non, pas dans le Maurice. Non, le micro. Ah Maurice, attends, j'ai oublié de te mettre ton petit coup de sifflet. Ah oui, ça manquait, ça, ce soir. Voilà. C'est une maman araignée. Ah non, mais... Ma chère Sonny et Sophie, c'est une maman araignée qui... Regarde-les. Qui a vu. Oui. Déjà, il sait plus. Non, mais si, il la connaît par déjà, cœur. Mais il l'a raconté 300 fois, il la connaît par cœur. Alors, moi, je ne le regarde plus parce que je le déconcentre. Voilà, alors ne regarde pas. Toi, ne regarde pas les filles. Allez, Maurice, un peu de courage. Oui. Alors, c'est une maman araignée. Ah, à quoi te reste-t-il aux filles? La barbe. Maurice, mais parle aux filles, un peu de courage. Merde. Oui. Sonny et Sophie. C'est une maman araignée qui a sa fille à dîner. Et qui lui demande qu'est-ce qu'elle veut comme en dessert le soir. Alors, et la fille lui répond, c'est une mouche au chocolat. Oh, oh sauf que c'est pas ça. Si, si, la, c'est non, la mère qui lui dit. Oui, oui, donc mais c'est pas grave. C'est une variante. C'est une variante. Ouais, c'est pas ça, ta gueule, toi. Il était à deux doigts de rajouter connasse. Hein. Oui, oui, pas loin. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, parce que c'est vrai que c'est une blague. Il l'a pas toujours bien dite. C'est une maman araignée qui oui. demande à sa fille qu'est-ce qu'elle veut comme dessert. Ah. Et sa fille lui répond, je veux une mousse au chocolat. Une quoi? Une mousse au chocolat. Une quoi? Une mousse au chocolat. Mais non! Une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat. Eh ben, c'est ce que j'ai dit la première fois. Une mousse! Ah là là. On lui prête. Oh, et merde, tiens, voilà. Je réitère ce que j'ai dit sur Facebook. Si vous allez voir les commentaires, je démissionne de cette émission. Non. Et voilà. Non, on peut l'applaudir quand même, parce que c'est vrai que. Bravo Maurice. C'est vrai qu'on le met toujours à contribution, surtout en fin d'émission et donc dans quelques instants, vous allez pouvoir voir que Maurice est très très fort pour un jeu fétiche dans l'émission. Ah oui. C'est le jeu de la photo mystère. Allez, je me casse. Donc le jeu de la photo mystère, restez bien branchés car Sophie et Sonny vont le découvrir ce jeu pour la première fois grâce à Maurice. À tout de suite. Retour, on va se marrer avec Sonny et Sophie de l'équipe du comic Nana Band. Ouais. Hello. Sonny et Sophie. Alors, les filles, voici une épreuve extraordinaire qui est l'épreuve de la photo mystère. Mmh. Pendant la pause musicale, nous avons confié à Maurice une photo mystère qu'il va essayer de vous faire découvrir. Il a étudié déjà. Il a étudié. Oui, et donc, il va essayer de vous faire découvrir l'objet qui est sur sa photo mystère. En vous donnant des informations très importantes pendant des périodes de 10 secondes. Donc, il va donner 10 secondes d'informations à Bob d'abord, ce qu'il va essayer de trouver, et puis 10 secondes à vous. Alors, évidemment, il n'a absolument pas le droit de prononcer le nom de cette photo mystère, et il a un mot interdit qu'il ne peut pas prononcer non plus, un mot qui pourrait vous aider à trouver directement cette photo mystère. Le but du jeu étant de trouver, bien sûr, la photo mystère et éventuellement le mot interdit, puisqu'il y a des points à marquer pour chaque. Alors, je sais qu'on a la radio. De barbarisme. Je sais qu'on a la radio, mais je précise juste aux filles, pendant les indices, regardez la tête de Bob. Oui, surtout. Alors, Maurice, est-ce que tu es prêt pour les premières 10 secondes, les 10 premières secondes de Bob? Les 10 premières secondes. Surtout, ne perds pas de temps, hein. Non. Alors, ça oui, serait bien. Pour éviter que Maurice perde du temps, d'ailleurs, c'est lui qui lance le chrono, hein. Ça serait bien qu'il perde pas de temps. Allez, on y va. Allez, stop. Ça peut être textile et animal en même temps. Qui a différentes couleurs. Ah là, Bob, t'as quand même eu des informations. Textile. Oui. Et animal. Mmh. Bah, le textile, c'est vrai que ça peut. Oui. La laine, par exemple. Ah oui. Voilà. Oui. Là, tu vois. Comme quoi, il t'a donné de bonnes informations. Textile et animal. Bon, là, je sais pas. Là, au hasard. Au hasard. Un pull. Non. Non. Alors, 10 secondes supplémentaires, toujours pour le même photo mystère. Chrono. Stop. On peut le trouver dans une région polaire. On peut s'en servir comme chapeau. Ah, alors là, dis donc. Je trouve qu'il a fait fort, hein. Parce que déjà là, ça d'habitude on tâtonne. Ah oui. J'ai une petite on coule idée, même. Mais... Ah bah vas-y, propose. Hein. Je proposerais un sac. Vison, non, c'est du vison ça. Non. qu'est-ce qu'a dit Hong Kong? Tu penses tout de suite à du vison là, Sonny. Tout de suite un vison. Un vison. Ah, non, mais il n'y a rien de logique avec Maurice. Non, moi je penserais un sac. Ah, un sac. Quoi. Un sac. Un sac. Un sac, parce que tu me dis polaire, je pensais à un sac de couchage peut-être, ou textile, ça peut être en cuir ou en textile. Ah oui, oui. De différentes couleurs. Différentes couleurs. Ah oui, ah oui. Tout colle. Non, c'est pas ça. Alors, la main repasse à Bob avec toujours 10 secondes. Essaye d'utiliser toutes les 10 secondes entièrement, sans blanc. Bon, ouais, on fait du mieux, hein, quand même. Hein. Oui. Et sans E aussi. Oui. Allez. Ça énerve Bob. Allez, stop. Il suffisait de lui dire de ne pas le faire pour qu'il le fasse. Prends ton temps. Alors, Bob, une réponse. C'est zéro, là. Ça fait zéro. Ça fait une idée, Bob. Ça fait zéro. Bob, t'as eu tes 10 secondes, une idée. Je sais pas. Un phoque. Ça va bien avec Maurice. Un phoque. Mais non, ça comptait pas. Ah bon, d'accord. Oui, mais alors, ok, mais alors. Non, mais ne fais pas non, mais c'était pour rigoler. Ah, oui, tu parles. Tu parles. Alors, on y va, Maurice, ou pas? Tu dis, allez, vas-y. Allez, stop. Alors, ça porte une fourrure de différentes couleurs. C'est surtout porté par la gente féminine. Un manteau. Ah. T'as pas réfléchi à ce que je t'ai dit avant? Non. Il va m'engueuler avec ça. Il va m'engueuler, dis donc. Alors, pour l'équipe en face, l'équipe des bandeuses, Maurice. Hein. Bah attends, il a pas donné de réponse. Si, il a dit un manteau. Un manteau, et c'est pas ça. Alors, stop. Beaucoup de skieurs en porte. Oui. Skieuse plutôt, hein, parce que j'ai dit de la jambe féminine. J'ai des mots qui me viennent, mais c'est plus des insultes. que des idées. Qu'est-ce que tu dirais, Fred, d'une chapka? Comment? Une chapka. Ah ouais, c'est... non. Hein, non, c'est... Je sais pas, j'ai plus envie de jouer. Est-ce qu'on peut répertorier les indices? Ça peut être un chapeau. Ça peut être textile ou animal. Textile. Ça peut être... De différentes couleurs. Il faut que tu saches pour t'aider, parce que faut quand même qu'on t'aide un peu. Mm. Quand il dit « ça peut être », c'est. D'accord. Okay. Lui, il dit « ça peut être ». Je ne parle pas le Maurice couramment, alors. Voilà, ouais. Je le dis non plus. C'est un chapeau, en fourrure. Vas-y. Oui, un manteau de fourrure. Il a dit, il a parlé c'est de fourrure. C'est un chapeau. Un chapeau en fourrure. Une chapka, c'était bien. Une chapka, moi, je disais. Alors, Maurice. Alors, qu'est-ce que vous dites? Une chapka. Oui. Non. C'est bien. Ah oui. Et donc, chapka, c'est un animal, donc. Voilà. Non, mais ça peut être fait en fourrure. Parce qu'on peut voir la photo. Ah oui, attends, il y a le mot interdit. Ah oui, le mot est interdit. Alors, le mot interdit, est-ce que quelqu'un a une idée? C'est bonnet? Oui. Et voilà. Ah oui, bravo. En tout cas, bravo Maurice, parce que j'aurais pas mieux fait de deviner, quoi. Moi, j'arrive pas à trouver la chapka. Oui. Mm-hmm. J'arrive pas à trouver. Et c'est animal aussi, et la fourrure, ça vient de l'ours. Ah oui. Bon, d'accord. D'accord, Maurice. J'ai oublié Maurice en train de courir après les ours pour faire des chapeaux. Pour faire des chapeaux. Ah, mais... Alors, si il te met une gifle, il t'étale contre le mur quand même. Hein. Bon, allez, tiens. Ça fait 3 mètres de haut. J'imagine Maurice sur la banquise. Mais... Parce que tu crois que ça, c'est l'ours? C'est de l'acrylite. T'as jamais vu une poêle douce? C'est de l'acrylite, ça. Moi, j'aurais pu dire que c'était en acrylite. En quoi, Maurice? Bon, je crois que je vais démissionner aussi. En tout cas, Maurice, c'est définitivement ma rubrique préférée de l'émission. Ah, voilà. Ouais. Merci. Bon, on va te passer toutes les bandes, alors, de leurs archives. Bon, allez, puisqu'on a bien rigolé, allons-y pour une petite tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Alors, la blague de Maurice. Un homme dit à son médecin, « Docteur, je ne comprends pas à chaque fois que je mange du gruyère. » Du quoi? Docteur. Du quoi? Du quoi? Du gruyère. Ah. T'as qu'à dire de l'emmental. Non, on n'a pas le droit de donner des marques. Il n'y en a pas de trous dans l'emmental. Hein? Alors, il y en a dans la tête de Maurice. Attends, je te remets un petit coup de vieux. Un homme dit à son médecin, « Docteur, je ne comprends pas à chaque fois que je mange du gruyère, j'ai mal à la langue. Il vaudrait mieux que vous enleviez la tapette à souris. » Quelle peine en court-on pour la bigamie, bigamie. De belle-mère. Exactement. C'est un médecin qui va voir un psychologue. Oh, docteur, docteur, j'ai un gros problème. Il faut enlever la tapette. Parce que... Dès que je vois une patiente qui vient me voir, donc, ben, j'ai envie de la baiser. Bah, attendez, c'est pas grave. Vous êtes en pleine forme. Je cherche un confrère. Vous êtes en... C'est vraiment pas grave. Oui, enfin, je veux bien, mais je suis vétérinaire. Ouais, c'est bien, je la connaissais pas celle-là. Alors, c'est dans une soirée, cocktail très chic, n'est-ce pas, la prout-prout de ma chère. Ça danse, hein, donc une jeune femme du meilleur monde, hein, qui danse avec un monsieur très chic en smoking. Et la dame, elle dit, cher ami, que pensez-vous de ma robe, n'est-ce pas? Le décolleté n'est-il pas un peu trop prononcé? Et le mec, il dit, excusez-moi, très cher, avez-vous du poil sur la poitrine? Non. Alors oui, votre décolleté est trop profond. Le médecin informa la jeune fille qu'il craignait qu'elle ne fût enceinte. Quel est le temps du verbe? L'imparfait du préservatif. Allez, Sophie. Alors, c'est une petite fille blonde qui revient de l'école avec un zéro. Ah. Bon, elle annonce à sa maman, qui elle aussi, bien sûr, est blonde. Maman, j'ai eu un point en moins parce que j'ai pas su situer le col du fémur. Mais c'est pas grave, répond sa mère. Moi aussi, je suis nulle en géographie, tu sais. Alors, comme chaque semaine en fin d'émission, Frédéric va nous le sortir. Ah oui. Mais il va nous le sortir juste après la pause. Ah. C'est son petit quiz. Ah ben le petit quiz, bien qu'il sûr. Qu'il a préparé. Papier, crayon. Juste après la pause, on joue avec Sophie et Sonic. Retour d'On va se marrer. Avec une petite partie des comiques Nana Band, parce qu'elles sont 17 sur scène, rendez-vous compte, super Maurice. Oh là là, le théâtre La Cime ne sera jamais assez grand, au 62 rue Jean-Baptiste Pigalle, dans le 9e arrondissement. À Paris. À Paris. Alors, vous savez que Maurice est un chauffeur hors pair, si vous voulez. C'est la ligne numéro 12. Ah, oui. Voilà. Ou la 2. Ou la 2, oui, voilà. Oui. Et la porte? Non, il n'y a pas de porte. Hein. Non, tu la prends, Maurice. Alors, en fin d'émission, Frédéric nous prépare toutes les semaines un petit quiz. Bah oui, un petit quiz. Et comme nous recevons le comique Nana Band, ouais. Eh ben, c'est un quiz sur les filles. Ah, d'accord. Ah. Alors, il y a 8 extraits, 6 interprètes, un groupe et un générique. Oh putain. D'accord. Il y a 8 extraits, 6 interprètes. Est-ce qu'on doit donner la réponse tout de suite? Non, vous notez on voit à la fin. Ouais. Tout le monde a son petit papier. On y va. C'est parti, Bob, le premier extrait. Bah, je ne l'ai pas entendu encore. Mais tu connais. Ah oui, c'est le... Comment tu dis déjà? Ah, ah oui, bah ça y est, je ne souviens plus non plus. Bah, je me fais aider. Le jingle. Le jingle, voilà. C'était chouette, les filles du bord de mer. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour, c'est toi qu'on laissera. Avec les filles, je ne sais pas, je ne sais pas. Quand il faut ou quand il faut pas, quand il faut pas. Les filles du mercredi sont toutes restées dans leur lit. Cheveux blancs, cheveux bruns, entremêlés jusqu'à midi. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. En liberté, oh les filles, pas de grille, je veux mon cœur en liberté. Thank you. Mais là, il t'a dit que c'était un jingle. Un générique. J'ai pas la huitième, là. C'est bizarre. Ouais. C'est un générique, là, ouais. Le dernier. Alors, combien, Sony, combien tu en as trouvé? Vu que je suis arrivé en France très récemment. Oui, c'est vrai, c'est pas facile. J'ai trois réponses. Ah, c'est déjà pas mal. Quand même. Alors, on va vérifier après. Sophie. J'en aurais 3-4. Bon, on va faire comme Maurice et Bob. Oui. On les décompose. Voilà. Bob, le tout premier extrait. Ah, ben il a trouvé. Ah, le jingle. Voilà. Alors, bien sûr, on donne la priorité aux invités. Alors, le premier, donc Sony n'a pas trouvé, mais. Sophie. Moi, je penserais à Salvador Adamo. Eh bien, oui, c'est Adamo. Bon, ben voilà. C'est Adamo. Par contre, je ne connaissais pas son accent titi parisien qu'il pouvait prendre. Là. C'est assez surprenant. Alors ça, Sony a trouvé. France Gall. Oui, c'est France Gall. Oui. Alors, je connais la chanson, mais c'est je C'est Philippe Laville. Bravo, Maurice. Oh. Philippe Laville. Oui. Oh. Qu'est-ce qu'il chantait d'autre, Maurice, Philippe Laville? Comment ça, oh là là? Taper sur les bambous et tout ça, voilà. Ah, attends, les filles, elles ont peut-être trouvé. J'entendais C'est Jérôme, non. Pas du tout. C'est Joël du groupe Il était une fois. Bah, c'est le groupe Il était une fois. Ah oui, moi j'ai vu Dorothée. Ah, les filles, là. Bah, Barbelivien et oui, bah. Comment oui, c'est Didier Barbelivien. Mais il chantait pas avec un autre mec? Si, si, mais on l'entend pas. Ah. Est-ce que ça reflète ton goût musical? Non. Enfin, oui. Pas tout. Oui, oui, tout à fait. Alors ça. Ah bon, ça c'est ça. Oui, ça reflète ce que. Allez, fille. Elle est belge. C'est Annie. Elle est belge. Ah oui, Annie Cordy. Oui, Annie Cordy. Ça oui, ça c'est un disque à moi. Exactement. Mais ne t'excuse pas, frère. Ça c'est au bonheur des dames. Ouais. Oh les filles, oh les filles. Alors le dernier, alors là. Ah, le dernier, je sais pas. Tu l'as pas trouvé, Philippe? Non. C'est un générique. C'est quoi le thème? Tous les immigrés ont appris le français avec cette série. Le thème. C'est quoi? Les filles d'à côté. Bravo! C'est super pour apprendre le français parce que les dialogues sont simplissimes. C'est vrai! Mais c'est vachement vrai! C'est vachement vrai! Bah, alors là, moi je pense que quand même les filles ont bien assuré parce qu'elles ont donné un bacon. Donc je pense qu'elles méritent les applaudissements généraux. Bravo pour les filles! Donc, oui, pardon. Et mes acclamations. Ah, j'ai oublié. J'oublie chaque semaine les acclamations de Don Salus, alias Frédéric Coster, ah bah qui a préparé ce jeu. Viva Don Salus! Je suis pas fait chier pour rien. Alors, nous arrivons en fin d'émission, et comme je trouve que les filles ont été brillantes, moi je propose un dernier petit jeu, parce qu'on a un peu de temps. Et je vous propose les filles, alors là, c'est si vous êtes d'accord, parce que pour l'instant, vous menez. Oui. C'est-à-dire que là, on est sûr que si vous gagnez, si on arrête là, vous avez gagné, puisque vous êtes à 1, 2, 3, 4, 4 et 4, 8, 9, 10, 11 points, alors que l'équipe adverse, les bichettes, ont 6 points. Donc, je vous propose un quitte ou double, par un ni oui ni non. C'est-à-dire qu'une épreuve de ni oui ni non, vous choisissez au hasard un membre de l'équipe adverse. Je suis parti. Ah non, Maurice, l'émission n'est pas finie. Elle n'est pas, c'est pas fini. Et c'est si vous le souhaitez. Hein. Soit vous partez avec vos points et vous avez gagné, soit on remet en jeu pour doubler. Et une partie de ni oui ni non en essayant de faire dire oui ou non à Bob ou Maurice que vous choisissez. Et si, alors là, si vous doublez, bah, c'est extraordinaire. Si vous perdez, c'est eux qui gagnent. Qu'est-ce que ne choisissez pas Bob. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Sony? On est joueuse? Oh, moi, jouons. Vous êtes joueuse, hein, je crois. On choisit Maurice. Alors, C'est étonnant. Oh, elle est hypocrite, Sophie. Elle est hypocrite, Sophie. Alors, allez, attention. Allez, Maurice. Hey, Maurice, tu te concentres. Oui, hein. Alors attention, Maurice, pas de réponse, c'est perdu. Il faut répondre en moins de 3 secondes. Hein. Je rappelle, si t'entends le coup de sifflet, c'est que c'est perdu, t'as pas répondu assez vite. Donc faut bien te concentrer, répondre tout de suite aux questions. Voilà. Les filles, vous pouvez poser vos questions. Une minute auprès de Maurice, c'est parti. Mais juste Maurice, pour savoir, t'as mal aux yeux, là, tu frottes. Attention. Attention. Ah, il a dit non. Ah, avec mais tes non, conneries, ils ont marqué 22 points. Mais à même au risque quand même. Mais comment tu peux dire non tout de suite? Est-ce qu'on peut jouer au kit ou triple? Ah, on l'a jamais fait, mais on peut tenter puisqu'on a encore un peu de temps. Allez. Alors, kit ou triple? C'est quoi ce jeu? Eh ben, kit, c'est pareil. Remettre en jeu leurs 22 points. Oui. Et alors là, donc vous pouvez encore gagner. Oui, oui, on peut gagner là. Pas de oui. Alors vous choisissez qui pour le date? Oh ben Maurice. Allez, change pas de candidat. Alors, pas de oui, pas de non, qui tout tri. Et pas de questions à la con non plus. Oh bah, dis donc. C'est parti. Ce sont des bagues chez Bijou Massy. Massy. Oui. Bravo Sophie. Hey, vous savez quoi les... Vous savez quoi? La sirène que vous entendez, c'est pas les pompiers. Hein, on c'est a perdu Philippe. 44 à 6. Non, mais là, vous êtes écrasés. Je vais vous dire, vous savez quoi, les filles? Ça marche à tous les coups. 44 à 6. Est-ce que c'est un score historique dans l'émission? Là, Bob ne va pas s'en remettre. Non. Moi, je dois dire que je suis assez content, oui, car oui. J'ai marqué 6 points, oui. Et Maurice en a perdu 22. Bon, alors, on a compris que si on voulait se marrer et continuer à se marrer, il fallait aller, Maurice... voir les commis Nana Band. Non, pas les commis, elles travaillent pas en cuisine. Le comique Nana Band, oui. Tous les dimanches à 20h au théâtre Le Cible. Non, la cible. La cible. Oh non. Je vous avais prévenu. Qu'en début d'émission, la promo était bien faite à la fin. Non, c'est pas vrai. Allez, on recommence. Ah oui, c'est un théâtre Le Cible. Si vous voulez voir tous les dimanches à 20h au théâtre La Cible, 62 rue Jean-Baptiste Pigalle dans le 9e, pour venir voir le comique Nana Band. Bien. Ah. Dans le 9e arrondissement. Bon, ben, les filles, il n'y a plus qu'à venir vous voir maintenant pour rigoler sur Paris et puis attendre que vous alliez effectivement nous rendre visite aussi partout en France parce qu'on vous attend, vous avez compris. Ben, on a été ravis en tout cas. Merci de passer, beaucoup. Et si vous allez à Nice, vous nous invitez surtout. Ah, mais on n'y manquera pas en tout cas. Vous serez les bienvenus. Mais déjà sur Paris, venez nous voir. N'hésitez pas. Merci à Sony et à Sophie qu'on rappelle. Merci à vous. Alors, l'émission sur Internet, les anciennes émissions, c'est sur onvasemarrer.com. Le podcast, c'est sur iTunes pour entendre les émissions toutes les semaines en direct. Et puis, si vous voulez en savoir plus, la page Facebook avec la photo de l'émission et tous nos invités que vous retrouvez sur la page Facebook d'On va se marrer. Est-ce qu'on peut préciser juste une petite chose? Bien aussi sûr. On a une fan page Facebook, oui. Aussi, le Comic Nana Band. Vous tapez, vous likez, comme disent les jeunes. Et là, vous pouvez savoir la programmation toutes les semaines. Qui vient sur scène au Comic Nana Band? Voilà. Voilà une bonne info. Merci les filles. Merci à tous de votre patience. Rendez-vous la prochaine fois.